Je suis caché dans le frigo. Dernière parole du noob. La porte du hasard. Cache, cache à l'explosif. Quand tu me trouves, c'est pas festif. Rider skill planqué dans la lumière et les viewers crissaient la guerre. Cache, cache à l'explosif. Quand tu me trouves, c'est pas festif. Rider skill planqué dans la lumière et les viewers crissaient la guerre. Un caillou pour abat, un piège à la clé. Tu rentres, explosé, rien à noter. Je stream avec style en peineur bon cœur. T'as cliqué trop. Je vais t'outrer. On joue à la guerre comme un jeu, avec des pièges et des tripeux. Mais quand Rider ski rigole dans le son, c'est que t'es foutu champion. Cache, cache à l'explosif. Pas de réveil, pas de plaisir passif. Une base, un feu, un live, une claque. Rousse les dés, c'est une attaque. Cache, cache à l'explosif. Pas de réveil, pas de plaisir passif. Une base, un feu, un live, une claque. Rousse les dés, c'est une attaque. Je suis caché dans le frigo. Dans le frigo.